Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89.1 et c'est parti pour une heure de découverte scientifique avec Futur Simple. Au menu, ce soir, nous irons au Nunavik avec la biologiste Rachel Guindon. Elle nous fera découvrir l'alimentation traditionnelle des Inuits. Et pour le moment, eh bien, restons donc à Limoilou pour prendre des nouvelles du projet de science citoyenne Limoilaire, un projet qui a démarré il y a environ 2 ans pour connaître la concentration en PM2.5 dans le quartier. Alors, ce projet commence à livrer ses résultats, notamment avec les travaux de Jeanne Pichet-Labrie. Elle est étudiante à la maîtrise en géosciences de l'environnement à l'Université Laval et elle est ici au micro pour nous parler de ce projet et de ses résultats. Bonjour Jeanne. Donc je recommence. Bonjour Jeanne, j'avais oublié d'allumer son micro. Bonjour Valérie, merci pour l'invitation. Alors Jeanne, rentrons dans le vif du sujet. J'ai prononcé rapidement le nom PM2.5, mais qu'est-ce que c'est que ça, les PM2.5? Les PM2.5, qu'on appelle aussi particules fines, c'est des particules qu'on retrouve dans l'air et qui sont caractérisées par leur taille. Donc ça regroupe l'ensemble des particules atmosphériques qui ont une taille en dessous de 2,5 microns. Mmh. Ça correspond environ à 100 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Mmh, c'est tout petit. Donc oui, on les voit pas autrement dit. Non, c'est vraiment des particules microscopiques. D'accord. Et en fait, pourquoi on s'intéresse à ces particules-là? Est-ce qu'elles sont particulièrement dangereuses, ces particules? Oui, parmi toutes les particules atmosphériques qui peuvent avoir un effet sur la santé, c'est des particules qui ont une très grande abondance, concentration, et c'est aussi des particules qui ont des effets sur la santé à long terme, du moins qui sont démontrés. Mm-hmm. Donc, puisqu'elles sont toutes petites, elles peuvent rentrer assez profondément dans les poumons, et ça a des effets, entre autres, sur la santé cardiovasculaire et respiratoire. D'accord. Et alors, elles peuvent venir d'où, ces particules? C'est des particules qui sont principalement produites par les activités de combustion. Donc, tout type d'activité de combustion, que ça soit le transport routier, ferroviaire, maritime, mm-hmm. Les activités industrielles aussi, on pense à l'incinération, mais mm-hmm. d'autres types d'activités aussi. Et, par exemple, le chauffage au bois en milieu résidentiel. Mm-hmm. Est-ce que il y a d'autres, par exemple, oui, il y a l'incinérateur, tu l'as dit, Jeanne. Est-ce que la papetière peut être une source, parce qu'on ne sait pas s'il y a de la combustion particulièrement dans une papetière, mais est-ce que ça peut être source aussi de PM2.5, la papetière qui est à côté de nous? Oui, la papetière et d'autres industries dans le port sont toutes des industries qui déclarent officiellement là, des émissions de particules fines. Puis j'imagine que les travaux, quand il y a des travaux, là, on a l'impression aussi que ça soulève un petit peu de poussière dans l'air. Est-ce que dans ces poussières soulevées par les travaux, est-ce qu'il y en a qui font partie des PM2.5? Oui, il y en a. C'est pas nécessairement tous les types de travaux qui produisent la même quantité de PM2.5. La poussière qu'on voit de nos yeux qui est soulevée, c'est des particules qui sont plus grossières, qui vont s'accumuler sur le bord des fenêtres, par exemple. Mais à travers ça, il y a aussi des PM2.5 qui sont produites, même si on les voit pas. Mm-hmm, d'accord. Donc finalement, ça vient de plusieurs sources. On les voit pas, ça vient de plusieurs sources. Et éventuellement, il y en a dans le quartier, d'où une certaine inquiétude. Mais dis-moi, Jeanne, il y avait quand même déjà une station gouvernementale qui mesurait ces fameuses 2.5, parce que ça fait quelques années qu'on s'inquiète de ces PM2.5 dans le quartier. Oui, tout à fait. Puis c'est entre autres ça qui a mené à des inquiétudes. Cette station-là, c'est une station gouvernementale qui est située sur le bord de la rivière Saint-Charles, vraiment en bordure du quartier. Mm-hmm. Et cette station-là avait déjà montré des concentrations à Limoilou qui sont plus élevées qu'ailleurs au Québec ou au Canada. Ah oui, d'accord. Donc, d'où les inquiétudes des résidents de Limoilou et ce projet Limoilaire. Donc, qu'est-ce que c'est, ce projet Limoilaire? Le projet Limoilaire, c'est un projet de science citoyenne qui a été lancé en début 2022. Et c'est entre autres lié au fait qu'il y a justement une seule station de suivi de qualité de l'air à Limoilou, située vraiment en bordure du quartier. Donc, il y avait des inquiétudes que cette station-là n'est peut-être pas capable de bien représenter les concentrations auxquelles la population est exposée à différents endroits dans le quartier. Donc, un des objectifs du projet Limoilaire, en plus de la mobilisation citoyenne qui est associée, bien, un des objectifs, c'était de mieux caractériser la distribution et les concentrations de particules fines à différents endroits dans le quartier. Donc, on veut voir s'il y a des quartiers qui sont plus exposés. On veut voir si, en fonction, est-ce que ça peut aussi aider à identifier les sources éventuellement de ces PM2.5? On veut voir un peu tout ça? Idéalement, oui, ça pourrait nous aider à identifier les sources. Pour l'instant, on n'en est pas nécessairement là à déterminer quelle source est responsable de quel pourcentage, mais ça donne quand même des indices et ça continue aussi à montrer des choses qui ont déjà été montrées, disons, dans le passé. C'est ça, ça vient confirmer des idées qu'on avait déjà. Donc, ce projet Limoilaire, on dit que c'est un projet de science citoyenne, donc les citoyens sont mis à contribution, de quelle façon? Principalement parce qu'il y a plusieurs citoyens qui se sont portés volontaires pour héberger un capteur de qualité de l'air chez eux, donc à l'extérieur, sur leur balcon, dans leur cour arrière. On parle de environ 70 capteurs dans le quartier Limoilou. Ouais. Donc principalement chez des citoyens, quelques commerces, des édifices de la ville aussi. Donc ça, quand on parle du quartier, donc Limoilou, c'est juste Limoilou, ça va jusqu'où en fait? Dans Limoilou, on inclut le vieux Limoilou, les Raies et Maiseret. Okay. Et il y a certains capteurs qui ont été installés aussi dans d'autres quartiers, donc ailleurs au centre-ville, mais aussi plus en périphérie. Par contre, dans le cadre de mon projet, je me suis seulement intéressée aux capteurs qui étaient dans le quartier Limoilou. Puis j'imagine qu'on a fait attention aussi à avoir une répartition un peu équitable un peu partout dans ces trois secteurs. On ne les a pas tous mis au même endroit. Là, on a essayé d'avoir une vision un peu représentative de ce qui se passe dans l'ensemble du quartier. Oui, tout à fait. On retrouve vraiment des capteurs un peu partout dans le quartier. Par contre, ils sont surtout installés en milieu résidentiel. Donc, on en a moins, par exemple, dans les parcs. Ah, on en a, par exemple, au domaine Maiseret, à certains endroits. Mais on peut pas dire que c'est une répartition qui est complètement aléatoire, puisque c'est toujours près des habitations, puisque c'est un projet de science citoyenne. C'est sur la base volontaire, il fallait des volontaires pour héberger ces capteurs chez eux. Donc, ces capteurs, qu'est-ce qu'ils font et comment ils mesurent les PM2.5? C'est des capteurs qui mesurent les concentrations de particules fines en continu. Donc, en 24 continu? Heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils prennent des mesures aux 2 à 3 minutes là, selon le type de capteur. Et c'est des données qui sont transmises en direct là, sur Internet. Donc là, des 70 capteurs qui prennent des mesures en continu, ça fait un paquet de données, ça? Oui, j'ai vérifié et au départ de mon projet, j'avais un total de près de 14 millions de points de données. Ah ouais. Donc toi, ton travail, quand t'es arrivé là, c'était d'analyser ce paquet de données? Donc d'analyser, mais avant l'analyse, il y a eu un gros travail de nettoyage aussi des données. Donc, par exemple, pourquoi fallait nettoyer? Elles étaient sales? Oui, plein de particules collées dessus. Non, mais en fait, c'est que les capteurs qui ont été utilisés, c'est des capteurs à faible coût, ce qui permet d'en avoir une grande quantité partout dans le quartier. Mais évidemment, c'est associé à certaines limites, puisque c'est pas des capteurs qui sont aussi performants que ceux utilisés par le gouvernement. Donc, c'est associé à certains biais. Donc, des fois, les capteurs peuvent avoir certaines défaillances, tomber en panne, par exemple, parce que des insectes se sont insérés dans le capteur. Ils peuvent aussi, puisqu'ils sont installés vraiment proche des habitations, même s'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits pour éviter que ça soit trop proche de sources, comme une sortie de sécheuse, un barbecue, bien, on sait jamais, il peut quand même avoir un feu de foyer, par exemple, chez le voisin, qui va avoir une influence sur le capteur. Donc ça amène à des valeurs qui sont extrêmes, qui sont pas nécessairement représentatives de la réelle qualité de l'air autour du capteur. Donc, ça veut dire qu'il faut corriger les données? Comment on fait ces valeurs qui sont pas représentatives? On les enlève? Qu'est-ce qu'on fait avec? Pour certaines données, celles qui sont vraiment extrêmes, on a utilisé un algorithme pour venir détecter ces données-là et les retirer. Pour d'autres données, par contre, en fait, l'ensemble des données étaient influencées par des conditions météo. Donc, les capteurs, quand l'humidité dans l'air est vraiment élevée, ils vont avoir tendance à surestimer les concentrations, donc à mesurer des concentrations qui sont plus élevées que la réalité. Donc là, il faut utiliser une équation pour venir comme ramener ces concentrations-là un peu à la baisse lorsque l'humidité est élevée. Il y a aussi une influence de la température. D'accord. Et comment on fait là? Est-ce que c'est en comparant avec le capteur du gouvernement? Exactement. Donc, à côté du capteur du gouvernement, il y a deux stations de limoilair qui ont été installées. Et ça permettait de voir à chaque moment c'est quoi la différence entre ce qui a été mesuré par la station gouvernementale et ce qui a été mesuré par les deux capteurs qui sont à côté. Donc, ça nous permet de venir caractériser l'écart. OK, quand la température est de 25, que l'humidité est de 70, ben l'écart ressemble à ça. Donc, on a un modèle là, qui est venu apprendre finalement cette différence-là entre les deux types de capteurs en fonction des conditions météo. Donc, c'est vraiment de l'apprentissage machine, si on veut, qui est permis de faire ça. Et ça nous donne une genre d'équation mathématique qu'après ça, on peut appliquer sur l'ensemble des capteurs. D'accord. Et ça, c'est une démarche qui est vraiment similaire à ce qui a été fait ailleurs dans le monde pour ce même type de capteur-là. Oui, c'était connu que ce type de capteur avait ce biais en fonction de l'humidité. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'était connu d'avance que ça allait être une démarche qui allait être nécessaire pour améliorer la validité scientifique des données. D'accord. Donc là, avec ce travail de nettoyage, correction des biais, tu as pu nettoyer donc, les données. Donc après, tu t'es retrouvé avec ces millions de données nettoyées et tu pouvais te lancer dans l'analyse. Donc, tu les as analysées en fonction de quoi? En fonction du temps? En fonction, je ne sais pas, du vent? En fonction de la localisation du secteur géographique? Qu'est-ce que tu as fait? Un peu tout ça. Donc, principalement en fonction du temps, pour commencer, j'ai voulu voir est-ce qu'il y a une variation en fonction de la saison, en fonction du jour de la semaine. Est-ce que, par exemple, c'est moins élevé la fin de semaine, en fonction de l'heure de la journée. Par exemple, est-ce qu'on voit une augmentation pendant l'heure de pointe, puisqu'on sait que le transport routier est une source de PM2.5. Et donc? Et effectivement, entre 7h et 9h le matin environ, on voit une légère augmentation, mais tout de même une augmentation des concentrations de particules fines dans le quartier. Et même chose entre environ là, 4 et 6 heures en après-midi. D'accord. Et donc là, si c'est lié à l'heure de pointe, le matin, le soir, est-ce qu'on peut présumer que c'est juste du lundi au vendredi, puis que le samedi et le dimanche, il n'y a pas cette petite baisse, cette petite augmentation aux heures de pointe? On voit quand même des augmentations le samedi et le dimanche qui sont pas nécessairement exactement à ces heures-là, qui sont un peu plus difficiles à expliquer peut-être, mais pour le moment, c'est dur de voir les différences entre la semaine et la fin de semaine. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus marqué que ça, mais quand je regarde les moyennes entre chacune des journées de la semaine, il n'y a pas une journée qui se démarque tant que ça des autres. Okay, les différences ne sont pas très grandes. Et donc, aux heures de pointe, donc ça monte. Ensuite, ça redescend? Oui, légèrement. Pendant la journée. Et le soir aussi? Le soir, par contre, non, ça diminue pas après l'heure de pointe. Une des hypothèses pour ça, c'est que je me demandais, puisque le chauffage au bois a été pointé aussi comme une source importante à Limoilou, je me suis demandé, est-ce que c'est parce que les gens arrivent à la maison, partent leur chauffage au bois et ça fait que les concentrations continuent d'augmenter en soirée? Par contre, on s'est rendu compte que ce patron-là d'augmentation en soirée, il était présent à toutes les saisons. Ah oui, donc là, s'il est présent en été, c'est pas à cause du chauffage au bois, donc il y a une autre raison alors. Oui, puis l'hypothèse qui a été retenue, c'est liée principalement à l'effet du vent. Ah oui, parce que le vent tombe en soirée habituellement. Exactement. Donc, le vent a tendance à diminuer en soirée et le vent peut avoir un effet de dilution sur les particules. Donc, quand le vent est à une vitesse assez élevée, ça va déplacer les particules ailleurs puis ça va avoir tendance à faire diminuer les concentrations. Ça, c'est de manière générale. Mm-hmm. Donc, lorsque le vent a une vitesse qui est très, très faible, bien, les particules vont avoir tendance à s'accumuler dans le quartier, puis ça va faire augmenter les concentrations puisqu'elles ne peuvent pas être déplacées ailleurs par le vent. C'est ça, elles ne sont pas dissipées, il n'y a pas le vent pour les dissiper, ça s'accumule dans le quartier, ou du moins c'est plus long pour que ça dissipe, parce que malgré tout, elles finissent quand même par se dissiper dans la nuit, puisque au matin, ça remonte à l'heure de pointe. Ça veut dire qu'à la fin de la nuit, c'était quand même dissipé, ces particules-là. Oui, bien, il y a un effet du vent qui commence à remonter aussi en matinée qui permet là, de dissiper les particules. Mais là, je parle du vent, mais il peut y avoir d'autres explications aussi, d'autres sources là, qui contribuent à ce patron-là. Donc, il y a ce patron général là, avec les 2 heures de pointe tous les jours. Est-ce qu'il y a des différences au fil des saisons? Est-ce que c'est plus élevé en hiver qu'en été ou inversement? Je ne sais pas. Les concentrations moyennes sont plus élevées en été et en automne, suivies très près de l'hiver. Ça, c'est un peu différent de ce qui a été observé dans d'autres études qui ont été faites là, dans le secteur de Limoilou il y a quelques années. Mais ça s'explique entre autres par le fait que dans ma période d'études, à l'été 2023, il y a eu une très grande quantité de feux de forêt au Québec. Et les particules fines, bon, on parle souvent des sources très locales, mais c'est des particules qui sont aussi déplacées sur des grandes distances. Donc, les feux de forêt ont eu un effet important quand même sur la qualité de l'air à Québec. Et on l'a vu dans les journées de smog, entre autres. Donc, c'est venu un peu tirer les concentrations de l'été et le début de l'automne à la hausse. Et donc, si on exclut ce cas particulier des feux de forêt de l'été 2023, sinon, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre normalement? Donc, en été, il y aurait des plus basses concentrations en été qu'en hiver? On s'attend à des concentrations à peu près équivalentes en été et en hiver. Donc, il y a des sources qui sont différentes dans les deux saisons. Donc, en été, on a les feux de forêt comme source. On a aussi possiblement qu'il y a plus de bateaux de croisière au port, si c'est une source pour le quartier. Alors que l'hiver, on n'a pas ces sources-là, mais on a le chauffage au bois qui est une source possible aussi. Donc, il y a certaines sources comme ça qui peuvent varier entre les saisons. Et si on en revient donc à ce pic lié au trafic, ce qui est quand même intéressant, c'est que le trafic, il n'y en a pas juste à Limoilou. Donc, est-ce qu'on peut présumer que dans d'autres quartiers de la ville, on retrouverait aussi ce patron avec un petit pic à l'heure de pointe du matin et un autre pic à l'heure de pointe du soir? Oui, on pourrait tout à fait s'attendre à ça. Et justement, dans l'étude qui a été faite il y a quelques années, une étude du ministère, il avait étudié ces patrons-là du cycle journalier à différentes stations. Mm-hmm. Et on observait, à mon souvenir, là, on observait le même genre de cycle. Il y avait peut-être des petites différences entre les stations, mais oui. Maintenant, la question qu'on se pose, parce que c'est bien bon de savoir qu'il y a un patron aux heures de pointe, qu'éventuellement, il y a un peu plus en été qu'en hiver, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir... Est-ce que les quantités de PM2.5 dans l'air sont dangereuses pour la santé? Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que les concentrations qui ont été observées par le projet Limoilair dépassent plusieurs types de normes de qualité de l'air. Ouais. Donc, au Québec, on a une norme quotidienne, donc une moyenne de concentration qui ne doit pas être dépassée, et elle est de 30 microgrammes par mètre cube. Oui. Cette norme-là n'a pas été dépassée très souvent. Donc, pour toutes les stations, là, à peu près toutes les stations ont entre 1 et 10 dépassements dans l'année. Donc là, de dire est-ce que ça a des effets qui sont légers ou grands sur la santé, ça prendrait des gens en santé publique pour répondre plus précisément à cette question-là. Mais quand on s'intéresse à la norme de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui est 2 fois plus sévère, donc à 15, là, on a beaucoup plus de dépassements. On parle plus en moyenne là, de 40 dépassements, 40 journées de dépassement par station, dans l'année. OK, donc chaque station dépasse en moyenne 40 jours dans l'année la norme, la recommandation de l'OMS. C'est quand même significatif, ça. C'est quand même quelque chose avec ça. Oui, tout à fait. Ça varie d'une station à l'autre, évidemment. Ouais. Ça, c'est pour les normes journalières, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des normes sur l'année? Oui, au Québec, on n'a pas de normes sur l'année. Donc, dans le cadre de mon projet, je me suis intéressée à la norme de l'OMS, encore une fois, qui est de 5 microgrammes par mètre cube en moyenne. Et là, ce qu'on a découvert, c'est qu'aucune station respecte cette norme annuelle, du moins sur l'année d'étude que j'ai utilisée dans le cadre de mon projet. Oui, qui est peut-être un petit peu biaisée par les feux de forêt mais de l'année 2023, mais d'un autre côté, on peut se dire qu'il y aura peut-être encore des feux de forêt en 2024, et etc. Oui, exactement. on peut pas nier l'effet des feux de forêt qui est réel là, sur la pollution de l'air. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a des... il y a quand même un souci là, avec ces concentrations de PM 2.5. Les résidents de Limoilou ont peut-être raison de s'inquiéter pour leur santé. Maintenant, est-ce qu'il y a des secteurs dans tout ce quartier de Limoilou qui sont plus affectés? Je dirais tout d'abord qu'il y a beaucoup de différences entre les stations, mais on retrouve des stations avec des concentrations élevées à différents endroits dans le quartier. Donc, elles ne sont pas regroupées uniquement à un endroit. Par contre, on retrouve un groupe de 4 à 5 stations dans le sud-est de Limoilou qui ont des concentrations assez élevées. Donc, toutes ces 4-5 stations-là qui sont proches ont des concentrations plutôt élevées. Mm-hmm. Et c'est des stations qui sont situées proches de plusieurs sources d'émissions. Donc, des boulevards, la gare de triage, le port de Québec, l'incinérateur. Donc, toutes sortes de sources d'émissions qui sont proches de ces stations-là. Donc, évidemment, pour les citoyens, je crois que c'est des stations qui sont quand même d'intérêt public. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a des stations, au contraire, qui sont protégées, qui sont comme protégées, qui ne montrent quasiment jamais ou peu de concentration élevée de particules de PM2.5 par rapport aux autres stations? Je dirais que non. Ah. On a certaines stations qui ont tendance à avoir des concentrations moins élevées que les autres, mais ont quand même des variations. Puis pour le moment, c'est dur à dire pourquoi ces stations-là présentent des concentrations plus faibles. Mm-hmm, d'accord. Donc ça, c'est déjà un gros travail de débroussaillage que tu as fait de ces millions de données. Ton travail de recherche se poursuit. Jeanne, quelle est la suite? Donc la suite du projet, là, c'est d'essayer de encore mieux, finalement, décrire la qualité de l'air, parce qu'en ce moment, ce qu'on a, c'est des concentrations à des moments précis, à des endroits précis, donc aux endroits où on retrouve des capteurs. Notre prochain objectif, ça serait de prédire les concentrations, même aux endroits où on n'a pas de capteurs. Donc, il y a quand même plusieurs endroits dans le quartier où on n'a pas de capteurs, et ça nous permettrait de créer une carte, en fait, des cartes sur lesquelles on prévoit la concentration en continu. Ah ouais. Donc là, en ce moment, on a certaines stations qui sont élevées, mais on se demande est-ce qu'elles sont représentatives de l'endroit où elles sont. Donc, ça nous permettrait plus de voir c'est quoi les points chauds du quartier ou les points froids aussi du quartier, donc les zones qui semblent plus protégées, comme on le disait tantôt. Et pour faire ça, on va créer un modèle qui, un peu comme tantôt, qui va avoir la capacité d'apprendre comment les concentrations mesurées à chacun des capteurs sont influencées par l'environnement autour du capteur. Donc, par exemple, un capteur qui est proche des routes, proche des industries, à quel point ces variables-là viennent influencer les concentrations. Ah ouais. Et à l'inverse, un capteur qui est plus proche d'endroits verts, comme un parc, est-ce que ça a aussi une influence sur les concentrations? Et ensuite, ailleurs dans le quartier, où est-ce qu'il n'y a pas de capteur, on va pouvoir mesurer ces mêmes variables-là, puis prédire les concentrations, okay. Donc en fonction de ces variables-là, mais aussi en fonction du vent. Donc, étudier différents scénarios sur les concentrations. Là, c'est un apprentissage aussi. Donc, il y a une relation entre la mesure et la description physique du lieu alentour, là, en fonction des bâtiments qui sont là, des arbres, des sources potentielles de pollution. Et ensuite, partant de cette relation-là, on l'applique ailleurs dans le quartier, là où on n'a pas de capteur, mais en fonction des configurations, la description physique du lieu, on essaie de faire une prédiction de la mesure. Puis comme ça, tu vas avoir une carte plus détaillée sur tout l'ensemble du capteur, du secteur. Oui, c'est ça. Plutôt que d'avoir des trucs très ponctuels, ça va être vraiment plus en continu. Donc, c'est le deuxième objectif de mon projet. C'est vraiment très intéressant. Et on va le savoir quand, ça? On va avoir quand, cette carte-là? D'ici la fin de l'année, je dirais. Bon, alors, il faudra revenir au micro pour nous en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jeanne, de nous avoir expliqué ton projet de maîtrise, de nous avoir mis au parfum, si je peux dire, de ces particules, de ces PM2.5 qui flottent dans l'air de Limoilou, si je comprends bien, particulièrement quand il n'y a pas de vent, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, j'ai étudié l'effet du vent, puisque c'est quand même une variable intéressante. On a vu que ça avait des effets. Et c'est justement en l'absence de vent, là, à peu près toutes les stations dans le quartier tournent au rouge, si on veut. Donc, ont des concentrations au-dessus des normes. Et ça, c'est expliqué par le fait que, justement, comme je le disais tantôt, il n'y a pas de vent pour venir disperser les particules. Pour les dissiper. Merci beaucoup, Jeanne, de toutes ces explications et de nous avoir fait, de nous avoir donné ce portrait du projet Limoilère. Bien, merci pour l'invitation. Donc, je rappelle que Jeanne Pichet-Labrie est étudiante à la maîtrise en géosciences de l'environnement à l'Université Laval.